franceinter.com. On les appelait les Roméo. C'est un journaliste occidental qui les avait baptisés ainsi, des agents est-allemands, chargés de séduire des secrétaires de l'Ouest, en République fédérale allemande, et de les faire travailler pour les services secrets de l'autre Allemagne, la RDA. Une entreprise très fructueuse qui a permis aux camps de l'Est, à l'époque de la guerre froide, de glaner quantité de renseignements ultra-confidentiels, car ces secrétaires étaient effectivement choisis en fonction de leurs attributions, assistante de ministre ou d'homme politique par exemple. Le personnage qui a présidé à cette importante opération n'est autre que Marcus Wolf, le patron des services de renseignement est-allemand, l'un des espions les plus doués de son temps et qui aurait, prétend-on, servi de modèle à John le Carré pour son personnage de Carla, l'ennemi impitoyable de son héros George Smiley. En lançant à travers la RFA, c'est Roméo, Wolf n'a fait au fond qu'adapter le système soviétique des hirondelles, ces femmes de peu de vertu, chargées de piéger les diplomates et agents occidentaux en poste en URSS selon une méthode éprouvée depuis longtemps dans le monde de l'espionnage. On séduit, on couche et les complices photographient. À moins qu'un supposé conjoint n'arrive à l'improviste et menace l'imprudent de provoquer un scandale. Ainsi fut pris au piège un ambassadeur de France à Moscou qui a eu ensuite bien du mal à s'en sortir et s'est attiré cette remarque cinglante du général de Gaulle « Alors deux gens, on couche ». Mais revenons aux Roméo et à leur Juliette. Monsieur X s'est particulièrement intéressé au cas troublant de l'une de ces Juliettes, une certaine Gabrielle Gast. Think about the girl you love and hope your eyes so happy together. If I should call you up in Mr. Dan and you say you belong to me and use my mind, imagine how the world would be so very fine, so happy together. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Avant d'évoquer l'histoire même de Gabriel Gast, je crois qu'il faut d'abord parler de Marcus Wolff, l'homme qui a inventé ce qu'on a appelé le système des Roméo. Marcus Wolff, le grand homme du renseignement est-allemand. Un maître espion, oui, un vrai personnage de légende. Et pour une fois, cette expression n'est pas usurpée. Wolff est né au début des années 20, près de Stuttgart, dans une famille d'artistes d'origine juive. Une famille cultivée, donc. Oui, son père est dramaturge et l'un de ses frères sera cinéaste. Ouais. Après tout, les espions ne sont-ils pas d'abord de bons comédiens? Ah ben, vous dites ça pour moi? Et pourquoi pas? Bon, écoutez, je ne sais pas comment je dois le prendre, enfin bon, si vous le voulez bien, continuons. Tout de suite après la prise du pouvoir par Hitler, les Wolff quittent l'Allemagne pour l'URSS. Ils sont communistes. Oui, oui, il était donc logique pour eux de rejoindre la patrie du socialisme dès qu'ils ont pris conscience du danger qui les menaçait en Allemagne. En URSS, donc, le jeune Marcus Wolff, que tous ses amis appellent désormais Micha, rejoint une école de formation du Komintern. Oui, l'international communiste. C'est, hein, c'est ça, c'est le Komintern qui forme alors tous les voyageurs de commerce de la Révolution dans le monde entier. Puis, Marcus travaille dans une radio soviétique qui émet en direction de l'Allemagne. C'est donc déjà un jeune homme très engagé. Et un homme de confiance. Je suis persuadé qu'il a très tôt été pris en charge par les organes, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire par la bureaucratie soviétique et son appareil de direction. Ça se confirme d'ailleurs très vite. Dès 1945, il se trouve parmi les premiers communistes allemands autorisés à entrer à Berlin après la capitulation des nazis. La suite de sa carrière est très rapide. Il est successivement journaliste, puis diplomate de la nouvelle RDA, la République démocratique allemande, tout en entrant au comité central du Parti communiste. Alors, les services secrets... J'y viens. C'est tout au début des années 50 qu'on lui annonce qu'il a été choisi pour être l'un des futurs dirigeants des services de contre-espionnage est-allemand. Est-ce qu'il a alors coupé les liens ombilicaux qui le lient à Moscou? Non, j'allais dire impossible. Wolff, quoi qu'il en ait dit par la suite, demeura un homme de Moscou. Et le service qu'il va être amené à diriger sera une des pièces essentielles du dispositif de renseignement soviétique en Europe. Peut-être même la plus importante. Car outre sa subordination au KGB, ce service est directement en contact de l'Occident. Oui, mais la RFA, la République fédérale allemande. Oui, rien n'est plus facile pour un Allemand de l'Est que de s'introduire en Allemagne de l'Ouest et d'y devenir un espion. D'autant que dans les premières années d'existence de la RDA, les frontières sont encore ouvertes entre les deux pays. Les services de l'Est mènent donc une politique active de pénétration des principales administrations de l'Allemagne de l'Ouest, et même de ses partis politiques, par exemple. Ouais, les taupes. Bien entendu. Des milliers de taupes, certaines en activité, et d'autres qui resteront longtemps dormantes, le temps de se faire une belle situation. Une véritable toile d'araignée si dense qu'on estime qu'aucune information ne pouvait rester secrète plus de quelques jours en Allemagne de l'Ouest. Aujourd'hui encore, il existe dans l'Allemagne réunifiée des hommes et des femmes qui n'ont jamais été démasqués. Enfin, ça n'a plus beaucoup d'importance. Et Wolff lui-même? Nommé général, alors qu'il a tout juste dépassé la trentaine. Il prend la direction du HVA, c'est-à-dire le service de renseignement de la RDA, un organisme qui est directement rattaché au ministère de la Sécurité. Ah oui, la Sécurité. Quel rapport avec la sinistre Stasi? La Stasi, qui dépend aussi du ministère de la Sécurité, est un autre service uniquement chargé du renseignement intérieur. C'est-à-dire la surveillance des citoyens est-allemands. C'est ça, oui. Mais il est certain qu'il y avait forcément des passerelles entre le service de Wolff et la Stasi, même si Wolff ne s'en vante pas aujourd'hui. Je comprends. On a beaucoup parlé des qualités assez étonnantes de Marcus Wolff. Avec raison. Communiste zélé et même stalinien, Wolff ne ressemble pourtant pas à ces tristes fonctionnaires est-allemands qui étaient les piliers du régime. C'est un homme brillant, cultivé, très intelligent. Un personnage qui, pendant les longues années où il a été le chef des services de renseignement, a toujours attaché une grande importance à l'aspect humain de son activité. Il n'est quand même pas me dire que c'était un philanthrope. Oh, bien sûr que non, mais Wolff était très attentif à tous les aspects psychologiques du métier d'espion. Et assez bizarrement, il n'hésitera jamais à payer de sa personne pour entretenir des liens particuliers avec ses agents traitants. Et même à se déplacer hors de la RDA pour tisser des liens avec eux. Ce sera particulièrement le cas avec Gabriel Gask, vous allez le voir. Autre chose, sa longévité son poste. Elle est en effet assez exceptionnelle. Wolff a régné sur son service pendant plus de 30 ans. Alors même qu'il entretenait des rapports très tendus avec son ministre. Alors qu'est-ce qui explique cette longévité exceptionnelle? Outre ses grands talents, je crois qu'il l'a dû aux liens très étroits qu'il entretenait avec Moscou. Moscou qui l'a donc indéfectiblement soutenu. Oui, parce qu'il a su se montrer irremplaçable. Et bien sûr aussi parce qu'il a rendu d'immenses services à ses camarades soviétiques du KGB. Enfin, dernier point. Wolff a aussi été très attentif à construire sa légende d'homme de l'ombre. Un seul détail. les Occidentaux n'obtiendront une photo de lui qu'à la fin des années 80, c'est-à-dire au moment où il avait déjà abandonné la tête de son service. Mais d'où vient vraiment que Wolf a réussi une telle carrière de maître espion, en dehors de ses qualités propres, bien entendu. Je vous ai dit qu'il avait réussi à tisser une véritable toile d'araignée en Allemagne de l'Ouest. Il fallait donc qu'il ait mis au point des techniques de recrutement particulièrement efficaces. Naturellement, il a usé de toutes les méthodes traditionnelles en usage dans le monde du renseignement. Oui, le chantage, par exemple. Oui, bien évidemment. Il ne faut pas oublier que le KGB avait raflé à la fin de la guerre les archives du parti nazi. Et le chantage au passé hitlérien a permis au service est-allemand de recruter un grand nombre d'agents. D'autre part, Wolf et les siens ont utilisé aussi les moyens classiques, l'argent ou le sexe. Oui, le chantage, toujours. Évidemment. Mais Wolf est allé bien au-delà, d'une façon assez machiavélique. Il a ordonné à ses services de procéder à un fichage systématique des cibles. Mais quand vous parlez de cibles, c'est-à-dire les personnes susceptibles d'être recrutées. Oui, oui, et grâce à ses correspondants en Allemagne de l'Ouest et à Berlin-Ouest, il a pu ainsi répertorier des milliers de cibles possibles. Il a aussi fait un usage immodéré des écoutes téléphoniques. Certains spécialistes ont estimé que les services de Wolf écoutaient ainsi plusieurs centaines de milliers de lignes téléphoniques en Allemagne de l'Ouest. Ouais. Des écoutes qui lui permettaient de rassembler des renseignements sur ce que vous appelez les cibles éventuelles. Mais c'est la suite qui est plus maligne, si j'ose dire. Marcus Wolf a jugé qu'il était souvent plus utile et plus facile de recruter un subordonné que son patron. Mais un subordonné, comme vous dites, ne détient pas les informations que possède son patron. Ah, détrompez-vous. Une bonne secrétaire en sait parfois autant que son patron. C'est elle qui tape ses papiers, les classe et parfois les range dans son coffre-fort, vous comprenez ? Et si cette secrétaire ou ce militaire d'un rang inférieur travaille au sein d'un organisme où circulent de nombreuses informations, elle ou il aura accès à ces documents plus facilement qu'un haut fonctionnaire. En outre, on se méfiera moins d'eux. Exactement. Et c'était ça le système de Marcus. Le recrutement de dizaines et peut-être même de centaines de petites mains. Un système qu'il va perfectionner en mettant au point la méthode des Roméo. Mais les Roméo, les séducteurs. Oui, les hommes spécialement formés pour attirer l'attention des cibles féminines et faire en sorte que ces femmes finissent par tomber amoureuses. Vous voulez dire que, parler de formation, vous voulez dire qu'il y avait à l'Est une sorte d'école des Roméo ? Exactement. Ces jeunes hommes recevaient à la fois une formation d'espion, mais apprenaient aussi les techniques de séduction. Et presque naturellement, Wolf les a envoyés à Bonn, cette petite ville provinciale devenue capitale de la RFA, où les secrétaires des ministères, souvent célibataires, s'ennuyaient à mourir. Cet homme est là qui me regarde, je m'y accroche par mes gardes. Je n'ai pas su baisser les yeux, il semble en être très heureux. Il prend cela pour un aveu, mes yeux sont noirs, les siens sont bleus. Oh, oh, oh, quelle histoire! Il va croire que je le veux. Oh, oh, oh, oh, comment faire? M'en défaire si je peux. Cet homme est là qui me sourit, il me parle et j'en suis ravie. Je suis le dessin de sa bouche, légèrement sa main me touche. Ce soir je ne suis pas farouche, prise au piège comme une mouche. Oh, oh, oh, quelle histoire! Il va croire que je le veux. Oh, oh, oh, oh, comment faire? M'en défaire si je peux. Cet homme est là qui prend mon bras, je le suis, je ne sais pourquoi. Nous sommes un peu trop intimes, je vais encore être victime d'une aventure bellissime, cette rencontre est rarissime. Oh, oh, oh, quelle histoire! Il va croire que je le veux. Oh, oh, oh, oh, comment faire? Défaire si je peux. Cet homme-là me déshabille, ce soir mon corps sent la vanille. Tout simplement il a dit viens et vainement je me retiens. Il fait tout cela pour mon bien. Son désir a tissé les liens. Oh, oh, oh, quelle histoire! Il va croire que je le veux. oh, oh, oh, comment faire, m'en défaire si je peux. Cet homme est là à mon réveil, dehors il fait déjà soleil. Nous reprenons notre entretien, ce n'est pas un théoricien. Quel est son nom? Je n'en sais rien. Mais je crois qu'il est brésilien. Oh, oh, oh, quelle histoire! Il va croire que je le veux. Oh, oh, oh, oh, comment faire? M'en défaire si je peux. Rendez-vous avec X. Le service de Marcus Wolf s'appelait donc le HVA, acronyme de Direction Principale de la Reconnaissance. Selon la répartition internationale des activités des services des pays communistes, imposée par le KGB, le HVA était chargé des missions de pénétration et de désinformation en Allemagne de l'Ouest et au sein de l'OTAN. D'après Geoffroy Daumale et Jean-Pierre Faure, auteurs d'un guide de l'espionnage paru aux éditions du Cherche Midi, le HVA a disposé de moyens considérables et les résultats obtenus ont largement satisfait le protecteur soviétique. Ces mêmes auteurs écrivent encore. Le premier grand succès du HVA consiste dans une opération réussie de pénétration du Parti socialiste d'Allemagne de l'Ouest dirigé par Willy Brandt. Un de ses agents, Günther Guillaume, arrive au sommet de l'État en devenant un des principaux conseillers du chancelier Brandt. En 1968, le vice-amiral Lütke, directeur adjoint de la logistique à l'OTAN, et le général Horst Wendland, directeur adjoint du BND, se suicident lorsqu'on découvre qu'ils ont été recrutés par le HVA. Selon diverses estimations, le HVA a entretenu plus d'un millier de taupes en Allemagne fédérale dans les années 70 et 80. En outre, nombreux ont été les Allemands de l'Ouest contraints à devenir des agents de la HVA, une fois pris dans les filets de nature variée, chantage au passé nazi d'abord, chantage au rapprochement familial, séduction par des Roméo, compromissions diverses basées sur une excellente connaissance des individus, etc. Là où Wolf a aussi profondément innové par rapport aux méthodes utilisées par ses amis du KGB, c'est qu'il a pris en compte les sentiments de ses cibles. Préciser. Bah, le système soviétique des hirondelles était assez frustre. On mettait dans les pattes d'un diplomate occidental une jolie fille ou un joli garçon. Rapidement, ça se traduisait par des galipettes filmées, bien évidemment par le KGB. Et le diplomate, pour éviter le scandale, devenait un agent. Mais il y en a eu aussi qui ont refusé ce chantage. Bref, c'était brutal et uniquement basé sur l'exploitation des instincts les plus primaires. Ouais, et ça ne convient pas au délicat Marcus Wolf. N'exagérons pas quand même. Le HVA, quand il en a eu l'occasion, en a usé de la même façon que le KGB. Mais ce système avait un grave inconvénient, car il produisait des agents contraints de trahir, car menacés. Ouais, il n'y avait pas adhésion, ouais, c'est ça. Les diplomates, car c'était en général les cibles visées, étaient obligés de collaborer. Wolf, au contraire, voulait des espions qui travaillaient de leur plein gré. Et pour poursuivre cet objectif, il a utilisé le plus beau des sentiments. Ah ouais, l'amour. L'amour, oui. Ouais. Ah ouais. Et pas seulement le sexe. Ce n'était pas par délicatesse, non. Ça relevait au contraire d'un calcul très cynique. Une espionne amoureuse travaillait mieux et surtout plus longtemps qu'une espionne qu'on faisait chanter. Ah. Voilà, ce n'était pas plus compliqué que ça. Et c'est pourquoi les services de Wolf ont attaché une grande importance au choix des cibles. Et quel était le portrait robot des victimes? Bah, écoutez, c'était une femme de 30-40 ans, ni belle, ni laide, célibataire naturellement, qui avait déjà connu une déception amoureuse ou qui était en manque d'affection. Une proie, somme toute, très vulnérable. Et qui, si le Roméo était suffisamment habile, succombait rapidement. Et le Roméo, lui C'était généralement un homme un peu plus âgé que sa cible. Quelqu'un de viril, de rassurant, qui faisait sa cour dans les formes et qui, dans les meilleurs des cas, pouvait aller jusqu'au mariage. Mmh. Toutefois, il fallait bien, un jour ou l'autre, jeter le masque, non? Et demander à la femme séduite de se livrer à un travail d'espionnage. Bien sûr, mais c'était moins difficile que vous l'imaginez. Et pour cela, les Roméo de Marcus Wolf disposaient de toute une série d'arguments. Le plus utilisé, c'était la contribution au combat pour la paix. Ça signifiait quoi, ça? Le mari ou l'amant insinuait dans l'esprit de sa partenaire qu'en subtilisant des documents, elle travaillait pour la cause de la paix. Les bellicistes se trouvaient en effet toujours à l'ouest, et il fallait en quelque sorte rétablir l'équilibre entre les deux camps. Les Roméo faisaient aussi appel à d'autres arguments. Si sa Juliette souffrait par exemple du machisme de ses collègues masculins, il était aisé de lui suggérer qu'en les trahissant, il ne faisait que se venger. Oui. Autres arguments. Les Roméo pouvaient aussi jouer des opinions politiques de leur Juliette. À une femme nostalgique du régime hitlérien, on faisait croire qu'on travaillait clandestinement pour une organisation ancien nazie. Et à une Juliette résolument pro-occidentale, on prétendait faire partie d'un service de renseignement anglo-saxon. Il s'est ainsi trouvé des espionnes abusées qui ont, en toute bonne foi, livré des documents secrets à leur amoureux en pensant qu'elles luttaient ainsi contre la pénétration communiste. Alors même que ces documents partaient aussitôt de l'autre côté du rideau de fer. Hein. C'est la vérité, oui. Ça voulait dire en tout cas qu'avant d'approcher sa cible, le Roméo devait avoir une connaissance très approfondie de sa Juliette. Un exemple particulièrement édifiant de ces manipulations est celui d'Éléonore Sutherlin. Je me souviens de vous en avoir parlé lors de l'un de nos premiers entretiens. Oui, c'était celle qu'on appelait Lola. Oui, c'était Lola. En effet son nom de code dans les services de Wolf. Oh, rappelez-moi brièvement. Bon, pour vous faire plaisir. Lola, continuons donc de l'appeler ainsi, était secrétaire d'un chef de département au ministère ouest-allemand des Affaires étrangères. Elle a été approchée par un certain Sutherlin qui se prétendait photographe. Il s'en est suivi une véritable idylle ponctuée par un mariage en bonne et due forme. C'est alors que l'époux a commencé très habilement à convaincre Lola des dangers de la guerre froide. Pourquoi, lui dit-il, les dirigeants de la RFA se faisaient construire des abris atomiques sans en faire bénéficier le reste de la population allemande? C'était en effet assez machiavélique. Hein, oui, oui, parce que ça avait pour but de la faire douter de la sincérité et de l'honnêteté des dirigeants occidentaux. Mais ce n'était qu'un début. Sutherlin lui a ensuite révélé qu'il existait de par le monde des hommes qui se regroupaient afin de tenter par tous les moyens de prévenir une guerre nucléaire. Des pacifistes. Et Sutherlin a fini par lui avouer qu'il appartenait lui-même à cette organisation. Mais dans leur combat pour la paix, ces hommes sincères manquaient cruellement d'informations sur les plans secrets des bellicistes occidentaux. Ouais. Et c'est ainsi que la naïve Lola s'est retrouvée piégée. Oui, mais sans savoir à aucun moment que son époux était en fait un agent de l'Est, et sans jamais non plus accepter d'être rétribuée pour ses services. Elle était donc sincère. Incontestablement. Je pense que vous vous souvenez de la suite qui est épouvantable. Ouais, la trahison. Un agent qui est passé à l'Ouest les a dénoncés. Les deux époux ont donc été arrêtés et la vérité a éclaté. Sutherlin n'était qu'un Roméo qui avait joué la comédie de l'amour. Le choc a été si dur pour Lola qui, elle, était sincèrement éprise que la pauvre femme a fini par se suicider dans sa cellule. Triste histoire. Oui. Ouais. Alors, pardonnez-moi d'avoir été aussi long et parlons à nouveau de Gabrielle Gast. Un cas très singulier qui n'est peut-être pas aussi clair qu'il y paraît à première vue. Alors, qui était-elle cette... Qui elle est plutôt, car à ma connaissance, Gabi, comme on l'appelait, est encore vivante. Gabrielle Gast est née en pleine guerre dans un milieu plutôt conservateur. Ou en Allemagne de l'Ouest? Oui, oui, oui. C'est une étudiante brillante qui se lance dans des études de sciences politiques à l'université d'Aix-la-Chapelle. Ah là, on est plus dans le cas de figures des petites secrétaires. Ça, hein. C'est exact, oui. Gabi Gast, fidèle aux idées politiques de sa famille, participe activement aux activités d'une organisation étudiante proche des démocrates chrétiens. C'est là qu'elle est remarquée par un éminent professeur, un spécialiste des pays de l'Est. Un agent de l'Est? Ah, pas du tout, bien au contraire. Le professeur Klaus Mennert est très certainement un membre du BND, le service de renseignement de l'Allemagne de l'Ouest. Ouais. Le service héritier du réseau Gehlen. Hein, c'est ça. Gabi devient assez rapidement l'assistante du professeur. Ouais. Est-elle par la même recrutée par le BND? Pas tout de suite, non. Mais Mennert doit penser en effet que cette brillante politologue sera à terme une excellente recrue pour le renseignement allemand. En attendant, la jeune Gabi doit finir ses études et rédiger sa thèse. Et c'est le professeur Mennert qui lui suggère le sujet de sa thèse, la condition des femmes en RDA. En Allemagne de l'Est. Et Mennert encourage sa protégée à se rendre sur place afin d'enquêter. Ce qu'elle fait? Bien évidemment. Et attendez, et en pleine guerre froide, une étudiante occidentale pouvait aller tranquillement enquêter de l'autre côté du rideau de fer? Eh bien oui, oui. Gabi Gast a reçu toutes les autorisations nécessaires. Et elle a été accueillie au sein d'une université est-allemande, à Karl-Marx-Stadt, qui s'appelle aujourd'hui Chemnitz. On lui a dit qu'elle aurait même la possibilité d'interroger des femmes exerçant de hautes responsabilités. Bon, alors, première question. Est-ce que les services de Marcus Wolf, qui m'avait vous dit, hein, étaient particulièrement bien informés sur tout ce qui avait trait à l'Allemagne de l'Ouest, savaient que cette étudiante était l'assistante d'un professeur affilié au BND? Certainement. et lui ont accordé l'autorisation de venir en Allemagne de l'Est en toute connaissance de cause. Alors, on peut tout de suite s'interroger sur ce bon professeur Menert. Hein. Ne prenait-il pas un risque considérable en envoyant son étudiant de l'autre côté du rideau de fer et d'abord, un risque pour Gabrielle Gast elle-même? Je suis tout à fait d'accord avec vous. On peut se poser la question. Et c'est un des aspects les plus troublants de cette affaire, mais il y en aura bien d'autres. Inter, rediffusion de l'émission de Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Avant de poursuivre l'examen du cas très étonnant de Gabi Gast, revenons un instant sur les méthodes de recrutement de Marcus Wolf. Le maître espion s'en est ouvert assez franchement après la chute du mur de Berlin. Cette confession figure dans l'ouvrage de Luc Rosenweg et Yacine Le Forestier, un livre consacré au dossier de la Stasi, je cite ces deux auteurs. Tout en se défendant d'avoir cyniquement joué avec le destin de femmes accablées par la solitude, Marcus Wolf reconnaît aujourd'hui que cette méthode était d'une grande efficacité. Les vraies raisons de cette méthode de recrutement sont simples. Une secrétaire ou une documentaliste en poste dans un ministère, au BND ou au quartier général de l'OTAN est mille fois plus utile que son chef de service ou quelqu'un de l'entourage du ministre. Tous les documents, notes, comptes rendus, rapports confidentiels lui passent entre les mains et elle est la mieux placée pour les photocopier ou les photographier. Il en va de même dans l'armée, où il est préférable, à la limite, de recruter l'adjudant qui timbre les enveloppes que le colonel qui, à ma connaissance, ne s'adonne que très rarement à ce genre de labeur. L'histoire, en général, se termine tragiquement pour la secrétaire séduite qui sera abandonnée par son Roméo en cas de découverte, et devra subir les rigueurs de la justice. Gabrielle Gast part donc en Allemagne de l'Est, faire sa thèse. Et pour sa thèse, elle commence à interviewer des femmes de RDA. Et on est alors en quelle année, là ? 1968, une période où, à l'Ouest, la jeunesse allemande se montre bien remuante. Enfin, ne mélangeons pas tout, même si c'est évident, les troubles dans les universités ouest-allemandes ne pouvaient pas laisser les services de l'Est tout à fait indifférents. Ben oui. Alors, si vous voulez bien, je reprends le fil de mon récit. Au bout de quelques semaines, Gabi Gast fait la connaissance d'un homme charmant, un certain Karl Heinz Schmidt. Qui est-ce, ce type-là ? Il dit exercer la profession de mécanicien automobile. Ouais. C'est donc pas un intellectuel, au contraire de la jeune femme. Et Gabi Gast ne se méfie pas ? Bah, apparemment pas, non. Pourtant, elle peut imaginer qu'elle risque d'être approchée. C'est évident. Hein ? À l'époque, tous les Occidentaux qui se rendent au-delà du rideau de fer peuvent s'attendre à subir des manœuvres de recrutement de la part des services de l'Est. C'est notamment le cas des diplomates, des militaires, des journalistes et même des hommes d'affaires. Et Gabi, assistante d'un homme qui est spécialiste des pays de l'Est, a certainement été prévenue. Ou alors, c'est que ça cache autre chose. Ah ben quoi alors ? Ben, n'allons pas trop vite. Ah, il y avait longtemps. Mais que voulez-vous, on ne se refait pas. Bon, alors, revenons à ce Schmidt, un homme si affable, si amusant, si séduisant aussi. Ah, elle tombe rapidement dans ses bras. Assez rapidement, oui. Que voulez-vous, elle doit s'ennuyer. L'Allemagne de l'Est, ce n'était quand même pas le paradis. Donc c'est vrai, elle devient la maîtresse de ce mécanicien. Ouais, et cet homme qui est certainement un agent de Marcus Wolf essaie de la recruter. Ah non, non, pas tout de suite. C'est à l'occasion d'un deuxième séjour de Gabi à Karl-Marx-Stadt que les choses se précisent. Un soir, Karl Litzek... Karl Litzek, quoi, c'est... Bah oui, c'est son surnom tendre qu'elle lui a donné. Oui. Donc Karl Litzek l'invite un soir chez lui. Il veut lui faire rencontrer l'un de ses meilleurs amis. Toujours pas de méfiance ? Pas vraiment, non. Et puis la jeune femme est amoureuse, très amoureuse. L'ami en question s'appelle Gotthard Schramm. Et disons-le tout de suite, c'est un agent important du HVA, le service dirigé par Marcus Wolf. Et il se présente comme tel à Gabriel Gast. Ah oui, il se donne même pas la peine de dissimuler. Non, non, et par la même occasion, il apprend que son Karl Litzek est lui aussi un agent du HVA. Mais pourquoi les deux hommes mettent ainsi carte sur table ? Ah bah parce que la jeune femme est piégée. Pour eux, assistante du professeur Menert, elle a forcément partie liée avec le BND ouest-allemand. Ah oui, alors ça veut dire que Elle est venue à RDA pour se livrer à des manœuvres d'espionnage. Enfin, c'est ce qu'on lui fait croire. Ouais. Et en Allemagne de l'Est, comme dans tous les autres pays communistes, on ne plaisante pas avec ce genre d'accusation. Et même quand les gens sont innocents, on possède les moyens de leur extorquer des aveux imaginaires, bien sûr, mais suffisants pour les emprisonner. Et il la menace, donc. Bien entendu. Et immédiatement, les deux hommes lui suggèrent qu'elle pourrait échapper au pire si elle acceptait de collaborer avec eux. D'accord, mais enfin, que peut-elle leur donner? Elle n'est encore qu'étudiante. Sans doute, mais elle est proche d'un homme qui est un expert du BND. En outre, engagée dans un mouvement étudiant très conservateur, elle est certainement capable de leur fournir des renseignements politiques intéressants. Ouais, c'est quand même pas grand-chose, hein. Ah, certes, mais enfin, ça pourrait être un début. Oui. Et la jeune femme accepte? Oui, non seulement parce qu'elle a peur, mais aussi parce qu'elle est toujours amoureuse de son Karlitzek. Malgré la révélation qu'il vient de lui faire? Oui. Pourtant, elle doit bien se rendre compte qu'il lui a joué la comédie de la séduction pour la recruter. Eh bien, aussi extraordinaire que cela paraisse, Gabi ne lui en veut pas. Et un petit peu plus tard, ils convoleront même en juste noces. Pas mal, non? Je vous sens sceptique, là. Hein? Ben, on le serait à moins, non? Voilà une jeune femme qui va se jeter dans la gueule du loup et qui, non contente de s'être fait croquer, en rajoute en allant jusqu'à se marier avec l'homme qui l'a abusée. C'est du masochisme. Oui, alors, ça signifie quoi, son... Bah, écoutez, un petit peu de patience. Encore? Ouais, il est évident que le HVA, en recrutant cette jeune et brillante étudiante en sciences politiques, a fait une sorte d'investissement. Oui, parce qu'on l'a assez promise à un bel avenir. Bien entendu. Et effectivement, dès son retour en Allemagne de l'Ouest, elle est officiellement recrutée par le service de renseignement auquel appartient son directeur de thèse. Le BND. Oui, oui. Et alors, que va-t-elle y faire? Eh bien, elle est engagée comme chargée d'études. Et ça consiste en quoi, ça? Gabi Gast doit rédiger des synthèses sur les pays de l'Est à destination de la direction de son service, mais aussi du gouvernement ouest-allemand. Et pour effectuer ce travail, la jeune femme dispose de documents fournis directement au BND par ses honorables correspondants ou par le personnel diplomatique. Et des documents excessivement confidentiels, donc. Et naturellement, ouais. Oui. Alors, si sa collaboration avec le HVA continue, les Allemands de l'Est disposent donc d'une source d'information de premier ordre. Oui, mais il faut mettre au point tout un système pour garder le contact avec elle et permettre qu'elle fasse parvenir à l'Est toutes ces informations exceptionnelles. Mais attendez un instant, là. Vous allez dire que j'ai l'esprit de l'escalier, mais j'imagine qu'au BND, avant de l'engager, on a dû enquêter sur elle. Ah bah ça se pratique dans tous les services. Et le fait qu'elle soit restée si longtemps en RDA n'a pas posé de problème? Bah, apparemment pas. Mmh. Étonnant quand même. Hein. Mmh. Ouais, je suis d'accord avec vous. Alors, pour obtenir les informations qu'elle détient, le HVA envoie un couple de ses agents à FA. Cet homme et cette femme vont servir de courrier. Et je vous passe le détail des techniques utilisées, des techniques classiques en matière d'espionnage. Mmh. Et son mari, là, son cher Karlitzek? Ben après son départ de RDA, elle a coupé tous les ponts avec lui pendant 6 mois. Et désormais, ils ne se verront plus qu'à l'étranger. Des rencontres organisées dans les camps de vacances par Marcus Wolf en personne, avec bien sûr un luxe de précaution. Wolf en personne? Oui, oui, Wolf que Gabi Gast va aussi rencontrer à plusieurs reprises. Le maître espion est-allemand, manifestement ravi par l'excellent travail de son agent, et est aussi séduit par les qualités personnelles et intellectuelles de la jeune femme. Et dans une ambiance de vacances, il le bavarde à n'en plus finir. Mais malheureusement, tout a une fin. En septembre 1990, plusieurs mois après la chute du mur, Gabi Gast est arrêtée. Alors qu'elle ne, à ce moment-là, elle ne doit plus travailler pour le HVA. Ah, hein. C'est évident. Le HVA a été dissous et Marcus Wolf a démissionné de son poste 5 ans plus tôt en prétextant qu'il n'était plus sur la même ligne conservatrice que les dirigeants de son parti. Mmh. Comment est-elle arrêtée, hein? Eh bien, un ancien officier du HVA l'a dénoncée. Et c'est au moment où elle va passer la frontière autrichienne qu'elle est appréhendée. Mmh. Elle allait rejoindre son époux? Vraisemblablement. Mmh. Et elle est jugée pour haute trahison, j'imagine. Oui, oui, mmh. Mais curieusement, même si elle est frappée par une peine de plusieurs années de prison, elle recouvre assez rapidement la liberté. Et c'est une raison de plus qui me fait douter de la version officielle. C'est-à-dire la version Gast espionne de l'Est? Oui. J'ai souligné à plusieurs reprises les incohérences de ce dossier. Et je ne mets en doute à aucun moment le fait que Gabi ait entretenu des rapports avec les communistes. Mais en retour, n'a-t-elle pas aussi rendu des services au BND? Ses rencontres avec Marcus Wolf, par exemple, n'ont-elles pas fait l'objet de rapports adressés à son service? Vous voulez dire qu'elle espionnait aussi bien l'Est que l'Ouest? La question mérite d'être posée, en tous les cas. D'ailleurs, à sa sortie de prison, Gabi Gast, qui demande à être réhabilitée, a affirmé qu'elle n'était rien d'autre qu'un agent d'information pour la paix. C'est quand même une sorte d'aveu, hein? Oui. Et la vérité se trouve certainement dans les archives du HVA de Marcus Wolf. Mais Curieusement, l'un des hommes qui a été officiellement chargé d'évacuer ses archives, et bien sûr de les nettoyer, s'appelait Gotthard Schramm. Et c'était l'un des officiers traitants de Gabi Gast, le meilleur ami de son cher Karliczek. À mon avis, ça n'était pas tout à fait un hasard, car il fallait camoufler l'ampleur de la pénétration communiste en Allemagne de l'Ouest et dissimuler bien des secrets, dont celui de Gabriel Gast, espionne de l'Est, ou bien agent double au service de l'Ouest. Mmh. Au fond, vous pensez donc qu'elle a été manipulée ? Manipulée par le BND, certainement. Car il faut bien se poser la question. Pourquoi son professeur l'a-t-il envoyé en RDA ? Difficile de trancher, même si les arguments de M. X sont particulièrement troublants. Mais pour terminer, je voudrais vous lire quelques lignes qui éclairent les rapports qu'entretenaient Marcus Wolf et Gabi Gast. Je les ai trouvées dans le livre de Christopher Andrew, « Le KGB contre l'Ouest ». Andrew, qui affirme que Gabi Gast éprouvait une véritable fascination pour Marcus Wolf. « Elle avait besoin de sentir que j'avais besoin d'elle et je lui accordais toute mon attention personnelle », devait écrire Wolf. Parfois, ces messages avaient le ton blessé d'une maîtresse qui a l'impression de faire désormais partie du décor. Wolf la rencontra en personne à 7 reprises, égard richement récompensé. Gabi a fait pour nous un travail impeccable. Elle nous a donné une représentation exacte de ce que l'Occident savait et comprenait du bloc oriental tout entier. Cela s'est révélé d'une importance vitale pour nous lorsque nous avons dû affronter l'essor de Solidarité en Pologne au début des années 80. Le livre de Christopher Andrew a été publié aux éditions Fayard. À samedi prochain, et je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez obtenir des renseignements discographiques et biographiques.